toute la journée, et en plus ils sont en train de faire la snack de Saint-Arène jusqu'à Sintra, à gaspiller le gasoil du pasteur de Torres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pasteur les a placés en France parce qu'il les voulait plus, en guerre du Delta. Et en plus, ils vont faire des travaux parce qu'ils ont été du Sobols. C'est des enfants qui ont été des carrés du Sobols. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait la bêtise de gaspiller le gasoil à la France. Le gasoil avec l'argent du chef du peuple. Ils l'ont cherché et ils vont refaire des travaux débiles, pour faire dormir le monstre de la fille là-bas dans la maison à préfabriquer. Non mais il faut savoir hein, ce que c'est. Hein. Ils ont fait de la pastel jaune, ces maisons avaient du charme avec la pierre. C'est la pierre de Meulière, ils avaient du charme. Et ils vont construire de plus en plus d'habitations avec la crémoserie. Si, c'est du café. Ça, c'est le sujet du céréal de Cavaxil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais tu parles de quel... Attends, Le pourquoi? sujet, De c'est que les quelle ville? Portugais de ma communauté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner voir leur famille au Portugal. Faire quoi? Manger à la matance du porc. Qu'est-ce qu'a dit le prêtre? Ils ont puni les enfants qui allaient à la matance du porc. Il faut connaître le sujet. Ils ont tué le cochon pour le bal. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être en France. Faire quoi? Des brochettes. Alors, déjà, le maire. Leur mère l'avait rien autorisé, et en plus ils font le PSI 80 à la France. Regarde, Incroyable ça. c'est le PSI 80. Ils n'ont rien autorisé à ces enfants, mais en plus ils font des bêtises. Ils répètent ça qu'il ne faut pas faire. Ils répètent. Comment je dis pas? Toi, tu es intelligent, toi, tu es un gars intelligent, tu as étudié. Tu es d'accord. Mais dans mon pays, ils n'ont pas étudié. Mais ils vont faire trop de constructions pour ces enfants-là. Ils ont étudié. Il tabarde plus 3. Peut-être à la maison qui est avec les plafonds noirs, peut-être, mais tu as étudié, c'est ça qui est important. Tu as écrit sur le récit à l'école. C'est important parce que peut-être toi, tu as écrit sur les documents de l'école. Comme un Africain. T'as eu les interros, t'as peut-être eu les examens du CNAM et tout ça, t'étais intelligent. Mais dans mon pays, ils n'ont pas été au CNAM. Ils ont fait les bêtises. Tôt le matin, ils ont fait ça. Mais ils vont rembourser, hein. Devant le mec de l'ENA portugaise, ils vont rembourser, hein. Tu crois quoi? Ils ont remboursé? Ils parlent comme ils ont Tu veux un truc? Tu veux te Et on est en train de raconter ce qui est vrai. Pourquoi il y a un remboursement? Parce qu'il y a une. Julia, salut Julia. Salut Julien, ça va? Ça va? Monsieur Serra, je dois vous dire quelque chose. Oui, En fait, monsieur. Ça va en Julien? 2005, Tu vas te mettre avec nous là, faire le son? Ah, bonjour, comment tu vas? Ça va? Bonjour madame, bienvenue à la radio. Est-ce que madame Barry est venue? Non. Non, elle n'est pas là. Ah, madame Barry, vous allez chercher madame Barry. Bienvenue madame à la radio. On s'installe, vous pouvez vous installer sur la côté de la table. Tu peux lui donner un micro à madame hein, pour Oui. se présenter. Alors, après, je vais prendre un micro. Tu prends ce que tu veux, Et oui. en plus, le RF Max avait condamné ses enfants parce qu'ils avaient mis, ils avaient levé la jambe sur la maman depuis petits. Ils se sont mis sur le corps de la maman, avec le corps de la vache rose. C'est pas possible. Il s'est passé quoi? Ils ont fait les bêtises du capitaine d'Avril. Mais ils ont été punis. Alors là, ça coûtait quelque chose. C'est en prison? Non, mais ils ont mis dans le tas de Tu cages. m'as dit ils ont été punis? Non, ils ont mis dans la prison les enfants qui ont répété des bêtises. Là, au Portugal. Quand tu poses des micros. C'était des gens qui étaient dans le camion bois du travaux. Ils devaient faire les travaux parce qu'ils ont été rien à l'école. C'est des crétés qui ont été rien à la Légion Tu étrangère. peux dire bonjour à la madame qui se présente au micro. Dans le micro, avec le micro. Non, mais là, micro, là, micro, là, là, son micro. Allez-y, bonjour. Bonjour, je me présente Oui. Caroline. Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue à Radio Métanoïaque. Comment tu vas? Et moi c'est Ça Martin. va, viens t'installer en Bonjour plus. Martin. Oui, bonjour, bienvenue Métanoïaque. Bonjour, comment ça va? Bonjour messieurs. Nous allons commencer? On commence. Bonjour messieurs, bienvenue. Frère. Frère, tu peux lui donner un micro? Tu peux lui donner un micro? Non, ça c'est à toi, mais l'autre, le 3. Voilà. Comme ça, c'est un micro. Alors, c'est quoi de votre prénom? Emric, frère, comme un frère. Emery, frère, bienvenue à Radio Métanoïaque, là, qu'on commence à se préparer, préparer, préparer. Et on dit bonjour. On va. De quoi vous voulez parler aujourd'hui à la radio? Est-ce que vous avez un sujet qui non. Qui vous aimeriez bien aborder? Non. Non. Parce que Jason, il va parler du match de. Ce qui serait intéressant, ouais. C'est de faire un mixage des ronflements de tout le monde. Oh, ça, c'est génial. Oui, en musique. Waouh, on le fait? On y va? Ce serait génial. On essaye? Oui. Alors, Madame Barry, vous voulez venir prendre un micro? Il faut un micro pour Madame Barry. Attendez. Mettez, il y a un micro pour tout le monde. Laissez-lui ce micro là, ou je vais vous donner un autre. Je vais prendre celui-là. Ah bon, ça va, ça va. Là. Tiens, tu peux donner Bastien à Henri. Merci. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça marche? Oui, essayez si ça marche. Oui, allez-y, il y a du câble. Asseyez où vous voulez, mais. On prépare le micro là, le métanoïaque. Métano. Allô? Allô? Allô, on est allô, là. Allô? Est-ce que vous entendez? Vous avez un retour là? Oui? La radio oui. Métanoïa. Ouais, la radio métanoïaque. Métanoïa. Bienvenue, Madame Barry. Merci. Ça fait longtemps que. Oui, ça fait très longtemps. Je suis content. Que je ne suis pas arrivé ici à la radio Métanoïa. Ouais. En fait, je n'aime pas beaucoup pour vivre heureux, vivons cachés, en fait. Ah, oui. Ah, tu n'es pas heureux pour vivre caché? Non, c'est pas ça. Je veux dire pour vivre heureux, vivons cachés. Ah. Donc, je sais qu'on me lit à partir de mes journaux et tout ça, de mes textes, tout ça. Ouais. Et je préfère la parole écrite parce que l'écrit, la parole s'envole, mais l'écrit reste. Ouais. La parole s'envole, mais l'écrit reste. En fait, quand je fais une chronique, chronique sur le journal, sur un podcast, c'est bien les podcasts. Les podcasts, en fait. Mais là, on est en train de faire un podcast, toutes les émissions des radios. Oui, les podcasts. Avec, ouais. Si on fait les podcasts de mes journaux, de mes textes, en fait, c'est quelque chose que j'aimerais dire, mais en fait, je ne veux pas utiliser ma voix, en fait. Ah, tu ne veux pas utiliser ta voix? Je n'aimerais pas utiliser ma voix, je préfère utiliser le langage écrit. Ah, tu veux parce que le langage écrit, la parole s'envole, mais l'écrit reste, quoi. Oui, mais les podcasts, ça reste aussi, hein. Oui, les podcasts, ça reste aussi. Ça reste aussi. Comme ça, chacun a une idée de ce que je vaux et ce que je veux faire dans la vie, quoi. Ouais. Et ce qui m'anime, quoi, et tout ça. En fait... Ouais. Ce qui m'animerait ici, c'est de créer une association, par exemple, parce que j'ai beaucoup d'argent, je suis multimilliardaire, en fait. Ah, vous êtes milliardaire, c'est ça? Ouais, je suis métisse africaine, en fait, métisse africaine, et au fait... Ouais, donc c'est ça, en fait. Eh, hey, bonjour Fatouna Mata. Fatmata, oui. Bonjour Fatmata. Toujours très élégante, ouais. Avec un sourire. Avec un sourire. Ouais. Hein. Donc, Jason, tu vas faire le secrétaire aujourd'hui, tu vas noter tous les noms. Ouais. Excuse-moi, oui. Excusez-moi. Mais moi, je ne sais pas faire. Farter une fille avec moi, dormir avec elle. Tu veux dormir à l'hôtel avec elle, La draguer. Draguer. Faire connaissance. Ouais. Mais là, c'est une manière courtoise de le faire. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme aussi. Oui, c'est la journée. Ouais. Hadja. Ouais, et on va parler. Bon, on va parler de ça aussi parce qu'on va parler plein de choses. On va faire l'exercice qu'elle dit. C'était quoi déjà des... Caroline, c'était quoi l'exercice que vous voulez faire? En fait, aujourd'hui, c'est la fête des femmes. C'est la fête des femmes. C'est la journée de la femme. Je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes. Elle est partie? Caroline! Attends, continue, madame. Je vais chercher. Continue parce que ça passe. Hein. café. Non, je voulais un café. Hein? Il y a une laisse-moi. Je l'ai aidé, moi, je l'ai aidé. Voilà ça. Je l'ai aidé, d'accord. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes, 8 de mars. En Afrique, tout le monde porte des vestes de nuit pour danser le chanteur. Bon, on est parti, on va faire des bons. Attention, ça coule. Bon, on va mettre un peu de musique pour l'instant. Ouais. Ah, bon, donc. Ouais. Un programme aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va parler. Je vais charger notre musique. Oui, charger notre musique. Alors, on va charger une musique. Ouais. Non, mais... je vais charger une musique. Moi, je connais. Moi, je connais. Moi, je connais. Jean-Jacques Goldman. Ah, je sentais. Je cours car je sais que le temps n'attend pas. C'est quand je prends de l'amour que ma vie est en train. Devenir un grand homme sera ma plus grande arme. Si t'es moi du Gandhi, si demain je rends l'âme. Le mal serait pour comme une infection. Et il est hors de question que la vie m'impressionne. Et j'ai cette impression que l'or devient précieux. Bien plus précieux que la vie d'un homme en insurrection. J'ai des valeurs qui ne changent pas. Malgré les saisons. Ma manière de m'indigner, c'est faire vibrer les caissons. Et si soudain demain la reine devient démodée, l'hymne du monde serait dit propre par les modernes. Sillonner le monde avec un message de paix à vous, de faire passer le mot, effacer la plaie de nos peines. De ma ville, mais d'avoir plus clair dans ma vie. Si le paradis est un fleuve, alors l'enfer est aride. J'ai su décoder mon âme, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Même si le diable me nargue, moi c'est la paix que je drague. Ah. Mais si le monde tourne, c'est qu'il y a de l'espoir. Il nous empêche d'être libres, on ne se laisse pas. Dominé par ses frontières, on a de l'espace. Partager nos richesses comme si demain n'existait pas. En étant ivre, on s'anime, même si le temps nous habite. Et si vivre est un risque, ne pas rire est un crime. Et pour nous apaiser, il nous faudrait remonter les années pour connaître nos racines. Et si soudain demain la haine devient démodée, l'hymne du monde serait du pop Marley moderne. Sillonner le monde avec un message de paix à vous, de faire passer le mot, effacer la paix de nos peines. Un fado, est-ce que tu as un fado là? Tu connais des fados, Jason? Jason, tu connais le fado? Non, allez, on va mettre un fado. discothèque, rentre dans le tas. Lève le doigt en l'air, fais le grand écart comme Travolta. Tu vois flou et que tu rentres sous. Lève la cuvette et comme Tiger Woods, vise bien le trou. 9-4 FM, de la pifon qu'à la soule. Et de suite, ton salon se transforme en saloon. Yeah. Mon gars, la paix, mon bébé, sans presque la merde. C'est quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez parler, madame Barry? La musique, les paroles. J'arrive, je fous la merde comme en concert. Et je me jette dans la foule comme un bon cœur. Morceau pas comme Ramzy. Fous la merde, vas-y, gros. C'est les Hamé, c'est Hami. Les murs transpirent, on lève tous les chers paniques. On te met à poil comme au 421, au casino, au Miami, Enami, l'ami, ghetto comme un Harlem, et qu'on se ramène. En prison, renfou les bâtons, visiteur en auto, accompagne ce son à coups de klaxon. Les gyrophares de keuf en guise de spot, des scènes à immortaliser sur télescope. À tous les étages de ma tour, un soin de faire griller les feux, sécher les cours, comme Miss France 2001, délire bonhomme, hors limite, à te faire rentrer à l'eau. Roule-toi un gros fumigène, c'est sec. Des serres les fesses, si tu souhaites les bons, sans avoir la marque sur les fesses. Même les poules sont de mèche ou la merde, la rapèche. Dans 8 minutes, on est en direct. On va parler de quoi aujourd'hui? Il saute. Ouais, ok, je t'amène ton instrument aussi. Ça, tu vas nous présenter un peu de musique. Cool. Yo! Yo, yo! On va dans le bus. Tu vois flou et tu rentres dessous. Lève la cuvette et comme Tiger. L'équipe, Bastien, la Yuan, na, na Martin. Fou la merde. On se chauffe là, on va commencer dans 3 minutes, on est en direct. Et Madame Barry, qui ça fait longtemps qu'il ne vient pas à la radio. Je vais mon nom, parce que les gens ne peuvent pas prononcer mon nom. C'est Hadja. Hadja Berry. H-A-D-J-A. Ok. Hadja Header. Header. Hadja. Hadja, c'est quelqu'un qui est parti à la Mecque, au pèlerinage. Ah oui? Au pèlerinage. Mon prénom, c'est Header. Header Berry. Heather Berry. Mon prénom c'est Heather Berry. Parce que je suis partie au pèlerinage, on m'a appelé Hadja. Ouais. Donc c'est Hadja Heather Berry. Hadja Heather Berry. Heather Berry. Hadja Heather Berry. Hadja Heather Berry. Prenez le micro si vous voulez parler là, les autres. Hadja Berry. Comment ça vient d'où? Hadja Heather Berry. Heather. Non, vous ne comprenez pas. Hadja. Hadja Heather Berry. Yeah. Hadja Heather Berry. Oui, oui, oui. Mm-hmm. C'est ça. Et donc voilà, donc on va vous allez présenter la radio en direct dans 2 minutes. Ok, donc Madame Berry, vous allez présenter le programme aussi, hein, avec Jason. Jason, tu as noté tout le monde, tu as noté le nom, qu'est-ce que noté Alain. Il manque Alain. Non, je suis là. Donc, ouais. En fait, c'est la journée de la femme. Dans une minute, vous allez dire bonjour Radio Métanoïa, vous présentez tout ça. Et Bastien, parle au micro là quand tu parles. Et vous aurez des cadeaux lors des journées de la femme, Madame Barry Adjebé. On va y aller. Mais vous êtes une femme princesse, hein? Oh, ok. Dans une minute, on est en direct. Vous présentez la radio d'abord et après, on prend le dialogue. D'accord. On va parler de vos origines mystiques. On va faire de la musique et on va chanter. C'est ça, hein, vous allez chanter Jean-Jacques Goldman? Oui. Ok. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman? Je vais chercher une. Ok. Et Johan va parler de la journée de la femme. Johanna Fofanata, elle va parler de quoi? Je vais parler de la journée de la femme. Vous aussi, bon. Ça va être un sujet important. Hein? Et comment s'est passée votre journée de la femme et de Jabari? Micro. J'ai parlé de rien, tout ça. Ouais, de quoi vous voulez parler? Je t'entends, voilà, je t'entends. Vous pouvez s'entendre, vous pouvez parler ce que vous voulez, vous pouvez faire la musique comme d'habitude. D'accord. Vous faites avec les rideaux musicaux. Oui. Julien, il est en direct avec je ne sais pas quelle planète. Julien, prends le micro. Bonjour, voilà. Pour le boulot, on a un peu maltraité, ça. Et ma fille, hein, très bien, elle est gentille, elle est bien sondée et tout. Vas-y, dis le chef, s'il veut pas être attendu, elle doit attendre et tout, c'est tout. Et après, je suis content quand elle doit attendre à notre place. Ah, tiens, il va. Oui, vas-y. On vous lit. Ah, d'accord. Et après, il y a plein de problèmes, parce que c'est tout. Ah, d'accord, il a fait où? Je suis défendu, c'est tout. Ah, faut ça. Oui, monsieur. J'ai essayé de me faire des affaires. Je suis pas méchant, c'est tout. Super, Julien. Oui, là, c'est Julien qui parlait de... Julien, il fait un peu le bruitage sonore avec Fofanata. On est à la radio métanoïaque, on est un peu en avance, là, 16h30. Est-ce que vous pouvez présenter la radio, Madame Barry, s'il vous plaît? Bonjour, bonsoir tout le monde. Je pensais que c'était les rayons de soleil, parce que moi, je suis un rayon de soleil. Je suis un rayon de soleil, en fait. J'apporte la joie, le bonheur et la bienveillance autour de moi. Moi, parce que je suis un peu philanthrope, quoi. Ah, vous êtes un peu philanthrope. Je suis un peu philanthrope. Donc, c'est que je dirais, je conseillerais les gens de faire du bien autour d'eux, de ne pas se laisser emporter par la jalousie et par la colère. Ah, vous voulez pas qu'on se laisse emporter par la jalousie et la colère, c'est ça, hein? C'est pas nécessaire, quoi. Rien ne sert à se comporter d'une manière lugubre ou quelque chose comme ça, ou devenir un légume. Il faut toujours aller à point. Donc, c'est ce que je disais, en fait, sur mes articles et tout ça. Ce sont des podcasts que j'ai faits. On dit toujours que la parole s'envole, mais l'écrit reste. Donc, ce que j'ai écrit dans le journal, dans les textes, mes articles, ce sont mes vrais articles. C'est ma vraie personnalité, en fait. C'est ma vraie personnalité. C'est quoi votre vraie personnalité? Ma vraie personnalité, c'est la femme parfaite. La femme parfaite? Oui, la femme parfaite. La femme parfaite. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est la femme parfaite, s'il vous plaît. La femme parfaite, selon moi, c'est la femme idéale. Hein. Ah, vous êtes la femme idéale, c'est ça. Hein. C'est la femme idéale. Hein. En tout genre, en tout nombre, en tout... Et vous êtes la femme idéale? En toute partie, en toute honnêteté, en toute simplicité, quoi. C'est la femme idéale, quoi. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme, en plus. Oui. Hein, c'est... Comment on peut devenir une femme idéale? Est-ce que vous pourriez dire à toutes les femmes de la galaxie comment être une femme idéale? Comment être une femme idéale? C'est de faire de grandes études, de hautes études. De faire un bon comportement, avoir un bon comportement, être poli et sage. Et très sage et très poli. La politesse avant tout. Si je me souviens, vous étiez Miss Galaxie à une époque. C'est pas Miss Galaxie. C'est pas Miss Galaxie. J'ai été Miss Monde. Ah, vous étiez Miss Monde, c'est ça. Oui, j'ai été Miss Monde. Non, mais c'était dans le temps. Ça fait très longtemps. Ah, vous étiez Miss Monde, c'est ça. Ça fait très longtemps depuis. Vous avez fait un concours de Miss. Avant que je n'aille au pèlerinage. Avant que vous alliez au pèlerinage, vous étiez Miss Monde. Vous avez fait un concours de Miss. Quand je suis partie au pèlerinage, j'ai changé mon nom. Ah oui. Oui, j'ai changé mon nom. Quand je suis partie au pèlerinage, j'ai changé mon nom. Donc c'est avant que je ne parte au pèlerinage que j'ai été Miss Monde. Vous avez fait un concours de Miss. Non, je ne suis pas en concours de Miss là. Non. Les Miss, c'est pour les gens de 18 à 25 ans. Et moi, j'ai dépassé ce âge. Ouais, mais c'est bon, la femme, oui, la femme idéale, c'est quelque chose que vous avez connu d'autres femmes idéales, hormis vous? Oh non, je ne connais personne. Hein. Hormis moi, je suis la femme, la meilleure femme du monde. Hein. Oh là, ah oui. D'accord. Ouais, je suis Miss Monde, je suis Miss Parfaite. Je ne connais personne à part moi. Miss Parfaite. Miss Parfaite. Miss Parfaite. Ah, Miss Parfaite. C'est Miss Parfaite en fait. Je connais personne à part moi. Ah oui. Peut-être égal ma. Et après, Malia peut-être. Malia, c'est ça. Malia Obama. Malia Obama. Elle est Miss Parfaite. Elle est Miss Parfaite. Elle peut devenir Miss Monde aussi. Oui, mais un jour, vous m'avez parlé de Miss Galaxy. Non, je n'ai jamais parlé de Miss Galaxy. Ah, c'est moi qui m'a fait. C'est vous qui avez parlé de Miss Galaxy. J'ai allé trop loin. Trop loin, c'est pas ça. Oui, je suis allé trop loin. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des hommes idéaux aussi? Il y a des hommes idéaux. Tu peux te caricaturer de ton homme idéal. Tu peux dessiner ton homme idéal, mais il n'y a pas... d'homme idéal en un vrai sens du mot, il ne faut pas... Micro plus proche, s'il vous plaît. Voilà. En fait, tu peux te faire une idée sur l'homme idéal, mais c'est pas facile de trouver un homme idéal que de facile de trouver une femme parfaite. Parce que les hommes sont tous des salauds. Ils ont besoin de sexe et tout ça, là. Et il ne faut pas écouter des bêtises, hein. Ouais. Il faut vous protéger, hein. C'est ça, il faut qu'on se protège. Ils ont envie de sexe et de trucs, alors que la femme a envie de l'amour et de la tendresse. Et vous avez de l'amour dans la vie? Oui, j'ai de l'amour, hein. J'ai de l'affection de ma famille, hein. De ma famille. Ma famille, elle est gentille, votre famille, hein, de la d'Obama. Elle est riche. Je suis riche en famille, en émotion et en motivation, et riche en qualité humaine et en développement personnel. Donc c'est pas que je suis riche financièrement, mais je suis riche en qualité humaine et en qualité de développement personnel, quoi. Mais c'est ma famille qui est très aisée, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez un amoureux? Non, là, je ne parle pas de ça à la radio. Ah oui, d'accord. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Ça, c'est un privé. Parce que tout à l'heure, on parlait de ça. Hein. Jason, il posait la question à, à Bastien, s'il était amoureux ou pas. Non. Ça, c'est... Attends, va te prendre le micro. Non, là, je vais aller. Oh, merci, Madame Barilla. Merci, Madame Barilla. On est là jusqu'à 18h, si vous voulez revenir, on est là. Merci de vos conseils sur la femme idéale. Et... Ce que je veux dire... Oui, vas-y. C'est qu'en fait... Je suis invité parce que je dois vous expliquer que le Portugal, dans le sujet du blé, avait il devait débourser à la Turquie, à la Grèce, l'argent. C'est pourquoi ? C'est parce que le pays n'avait plus d'argent. Et les gens, ils dépensaient tout l'argent du gouvernement pour les travaux. Il n'y avait rien pour le gouvernement. Ça, c'était pas normal. Il n'y avait rien pour le gouverneur. Et en plus, il fallait résoudre ses dettes et cet argent. Si le gouvernement ne peut pas s'en foutre plein les fouilles, qu'est-ce qui se passe ? Parce que cet argent, il veut résoudre la dette, Cavaxi veut résoudre sa dette. Mais le problème, c'est qu'ils ont dépensé dans le gasoil. Les dettes, faut pas les payer. Et il fallait qu'ils remboursent. Il fallait rembourser les dettes. Les dettes. Et il fallait de bourser Athènes parce qu'il fallait un argent qui va à Tsipre. C'est un argent qui devait partir à Tsipre. Elle était endettée aussi. Et cette dette du Tsipre et cette dette du Cavaxi va passer dans toute l'Europe. Parce que le hippo est trop cher. Les gens n'ont pas l'argent. Ça a été. On parle de ce et c'est cet argent qu'ils ont pris du. Et tout le monde a déboussolé. Ils l'ont claqué avec le gasoil. Et ils doivent y payer. Ils doivent y payer. Ils sont en train de payer. Et il y a la négociation du céréal. Pourquoi ? Parce que cet argent, il fallait que le céréal circule en Europe. Et le céréal de la Grèce, de la Turquie, de la Grèce et du Ukraine ne passait pas dans les bateaux. Elle devait rester sur place. Et c'était normal ? Non, c'était pas normal. C'est ce que Georges nous a expliqué, de la TV, nous a expliqué pourquoi. Il devait avoir la circulation du céréal et il n'y avait plus la circulation du céréal. Le céréal d'Ukraine. Ouais, ils ont fait brûler le céréal. Pourquoi ? Et il y a eu la guerre. Qu'est-ce que vous pensez l'autre de la situation politique mondiale ? Ton prénom, Julien ? Emery, tu penses quoi ? Un frère. Un vrai frère. Ah, vous êtes un vrai frère. Ouais. Ça se voit que vous êtes un vrai frère, un bon genre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu penses quoi de la situation politique ? Vous êtes religieux, monsieur ? Les toilettes ? Une photo ? Non. Photo ? Pas religieux. Français. Je français. Êtes... Non, moi, c'est tu français. Ah, mais je croyais que vous aviez dit que vous étiez un frère comme un moine. C'est pas grave. Bah, j'ai même pas le temps, ça détruit les trucs et tout. Est-ce que quelqu'un ici est religieux ? D'autres gueules. Ah, le religieux, c'est dans le sens, que la personne, elle doit avoir le Cavaxi avait le Saint-Esprit, avait Dieu. Mais le problème, c'est que les enfants du pays bafouent les convictions de monsieur Cavaxi. Qui bugait à mort, Attends, c'est pas à cause de nous. C'est à cause de nous, à cause du Covid. Et les anciens, ils vous parlent, ils disent vérité, mais si vous n'avez pas le temps entre mes années, je vais chanter. Grèce qui ont niveau tué. On écoute Métanoïaque, Bastien qui va nous chanter une chanson mystique. Nanda, Nanda, praticaro meu amor com santo amor. Que eu não te nomei o Senhor, Senhor Jesus, para acontecer, chegou aqui. Não dá, não dá, pra ficar o meu amor com santo. Que eu não te nomei o Senhor, Senhor Jesus, para acontecer, chegou aqui. O meu Senhor Jesus. Tudo está nas tuas mãos, meu Senhor Jesus, Jesus. O Senhor levanta. Super, bravo, bravo. Ouais, merci Bastien de toujours apporter ta joie. Attends, Julien a dit quelque chose. Vas-y, moi. Et après, s'il veut son neige pas tous les jours, si on régénère pas la lune et pas le soleil, il l'accepte tout le temps. Les femmes, le soleil s'accepte et le soleil. C'est la vérité, nous, on dit. Soleil, la lune est là, en transparence d'armes. Si le temps n'est pas apparu, nous on fait caprice. Et Julien a fait tout pour réparer, on a déjà une orientation. L'orientation est sale, les glaces est sale. En psychiatrie, elle est sale, la cuisine et tout. Si vous voir des maudits, je vous en fais voir d'autres. Oh putain, Roger. Si on vient à trois cette horloge, j'attends un dire un message. Parce qu'en fait, c'est le Covid. Et c'est tout. Merci, merci Julien pour tes paroles. Alain, tu veux parler avant que tu te bouges là. Vas-y. DSK, je suis un cas, mais aussi un dieu qui te hue, qui te tue en deux, comme s'il y avait le feu. Je me pose sur aucun beat, la bite entre les bœufs, je mets un spliff de bœuf entre les lèvres. Et si tu l'ouvres, gaffe, au mieux que tu fasses gaffe, gaffe, car j'ai bois de cam, j'ai peut-être pas d'armes, mais tu pourrais bien que tu te prennes une baffe, gaffe. Oui, tout le flow d'Alain. Julien, ces vaisseaux sont pas méchants, c'est juste que la France elle est un peu bête parce qu'en fait elle comprend pas si c'est une bête. Ils touchent jamais, ils mangent jamais, c'est tout. Même si on est fromage, ça n'a rien à voir, c'est le président. Et vous aussi, il a le thé, moi je suis obligé de tuer en ce cas d'une fois, il me faisait chier. Et là, d'ailleurs, ça. Alors, Johan, est-ce que tu prends un micro là, Johan, n'est-ce pas? Et après, on va. Bonjour Johan, ça va? Bonjour, bonjour. Ah, aujourd'hui, ça a commencé à quand la mission? Ça a déjà commencé, on est déjà en commencé. Ah, ok. Bah, oui, moi, je vais parler de la femme. Hein. Attends, Julien, on attend Julien qui fait. Oh, c'est foutu con de mage. Le chien, il met un poison, ce qui est dit qu'attaché. Tu veux brûler ou vous pouvez m'amuser avec? D'accord, j'arrive. Attends. Là, tu vois, j'ai le vide. Oh non, j'ai le vide, j'ai le vide. Il part toujours plein sur ma gueule. On est ras-le-bol. À qui? Bah, un docteur. Un docteur? Olive? Tox? Oui, c'est un docteur. J'ai été. Et un chef qui est en colère. Entre eux. Parce qu'il donne jamais le bon cœur. Moi, je donne le bon cœur à eux. Et là, on est triste. C'est un lion. Oui, les lions, on peut dire, ouais, Léon, on a eu bien. Il vient, je tue sa zélite, il dit, ouais, il a un télé 122, là. Lui, c'est en train d'écraser toutes les toilettes. Les gens, ils disent, par téléphone. Vous voyez, je suis en raison. Regardez en Chine, j'en ai. D'accord, en Chine. Bah, je préfère, non, ça a le temps. Pourquoi? Vous l'avez fait? Ah là, il est là, monsieur. Ouais, les feuilles, on a dit que. Les chiens, maïchien, sorcier et sainteté. Arès. C'est toujours à dire. Arès, ouais? Oui, j'étais un ancien Arès en Belgique, il a disparu et ils m'ont accepté en tant qu'Italie. Pour illustrative, je travaille beaucoup la nuit. C'est vrai? Oui, ça a été. Ça a été en psychiatrie, c'est un lion. Des gens, comme Massimo, était mon frère. Et c'était pas méchant. C'était un Covid par un mal créé par des Allahs. Les Allahs n'avaient pas fait exprès. Les squelettes n'avaient pas déterré. C'était en Égypte, pour être dit. Et après, ils se transféraient à une tagène. Et après, Massimo s'est fait kidnapper chez la Vision Health. Cassette. Oh putain de merde. Il a dit la vérité. Faut voir l'entraîneur. Ah, vas-y alors, on entend. Vas-y vite. Avant, on a dit qu'il y a sûr. On en deux. Allez, go. Allez, tu vois. Bah, attends, je suis un fou là. Et après, au niveau scientifique, moi j'en ai aussi raison. Parce que si on ne trouve pas le temps, on va tout perdre. Je n'en ai pas deux, c'est notre temps, le garou. Nous, on tient le garou. On est en reste tranquille. On peut pas chier, on a compris. Et il m'a traité déjà l'Allemagne. En Italie, les Saints, ça a été du droit. Pourquoi? Parce qu'on corrette, ils mettraient de la terre, tant qu'ils peuvent. C'est les Français qui foutent de la merde, je suis désolé, moi, je dis ça. Pourquoi? Bah, demandez-leur. Et c'est déjà un contrat. Ils ont piégé, ils ont pas beaucoup de sous. Ils ont beaucoup de sous, en fait. Et moi, j'ai fait un pacte très dangereux, nos tous, qui ont fait deux syndicats automatiques, vous allez voir. Allez, fais chier. J'ai dit, c'est pas la vérité. On dit ça parce qu'en fait, on essaie de m'avoir pas l'argent, il me dit tant. Toujours l'argent, il me faisait chier. Ah non, non, oui, je suis dans. Administratif, italien, et tout, genre de ça qui est le flotte. Ça a été comme ça, hein? Ça rien du tout. J'ai le découpement à l'envers de Calais, j'ai le de là, et on va retirer une dame. Bonjour. C'est la vérité, la dame est là, on a eu. Il aide beaucoup la terre, discute-toi à l'envers de Calais. Et les Parisiens sont qu'elle pour rien. Il a dit arrêtez. Il a dit arrêtez, il ne veut pas dire c'est qui, c'est très malin. Et après, il y a un assez, quand on voit le il y a toujours le foot. Il y a toujours des solutions là, mais bon, non, c'est le cas dans votre couille. Ah, il m'a traité de santé ? Oui, il m'a traité de santé. Et pourtant, je crois, je suis à personne. Et eux, ils font des dépôts sur la couille, il y a un drone. Allez, un grand, il est piégé. Il a cité. Après, là, il y a un Godoraz. Et en fait, il y a un sensi que je n'aurais pas, comme docteur. Et elle dit, ouais, vous allez voir, nos têtes. Tu le dis, toi ? C'est un français, comment on dit ? Andorze ? Oui, une mutagène de malédiction qui est fort. Et c'est Andorze. Et un crâne d'autoradouce. Hein. Et c'est un survivant, oui. C'est vrai, c'est ça ? Ouais, Julien, merci beaucoup. Bravo quand tu parles là. C'est bravo. C'est excellent ce que tu nous as raconté. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là, on parle de. Mais c'est le frère, hein. Vas-y. Bien. Ah, vous vous formez bien? Ouais. C'est ça? Ouais. Comme ce frère, comment ça va? Tu te formes bien à l'hôpital? Oui. Il y a des bons traitements pour toi? T'es pas malade? Non, ça va. Les soins de la tête vont bien? Oui. Monsieur Frère, je ne vous ai jamais entendu parler. Micro. Ah, il faut aller au CMP voir le psychologue, hein. Oui. Comment. Il ne parlait pas, moi, donc là, je vois qu'à la radio. Ah, vous croyez qu'il ne parlait pas? Eh ouais. Et il faut qu'il parle, hein, aussi. Ouais. Eh bien, on le laisse parler. Oui. Pourquoi vous voulez parler? Parlez de tout ce que vous voulez. Moi, connaître. Pas connaître. Sa passion, lui, c'est les films. Par exemple, au CATP, ouais. Le problème, c'est qu'il s'emmerde parce que c'était pas bien. C'était quoi, Astérix, l'autre jour? Ouais. Et vous, vous préférez plutôt des trucs genre Le Seigneur des Anneaux? Qu'est-ce que vous préférez comme film? Titanic. Le Grand Bleu. Ah, Le Grand Bleu, vous aimez? Oui. Et vous allez à la piscine un peu, des fois? Non. Ce serait bien. Si j'ai le temps, mais là, j'ai pas le... encore le temps. Parce que ce qui serait bien, nous, à l'hôpital de jour, là, il y a une dame qui s'appelle Ouria et qui accompagne les gens à la piscine. Elle fait ça très, très bien depuis 20 ans. Elle accompagne les gens à la piscine et ils vont à la thérapie de la piscine. Voilà, et c'est à l'hôpital de jour. Ça pourrait être peut-être plus adapté qu'au CATTP, le cinéma. Donc, vous pourriez continuer le karaoké au CATTP. Oui. Vous aimez bien ça? Oui. Vous allez y aller jeudi? Oui. Vous ne foutrez pas le bazar parce que la dernière non, fois... Non, pas du tout. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous alliez mal. On est prêt à vous accompagner. Oui. Voilà. C'est pour toi, il faut que tu parles, hein, dans la. Oui, oui. Et c'est Siga qui va vous accompagner, votre éducateur? C'est qui vous... Je sais pas. Là, vous étiez mal parce que Siga était en vacances? Oui. C'est pour ça? Oui. Parce que le jeune, il était bien, le jeune éducateur. Oui. Là. Il était trop mignon, celui. Oui. Hein, il est encore là ou il est parti? Oui. Et elle, vous la connaissez? Elle chante des super. Elle fait de la super. Elle parle comme ça, toute petite voix. Et elle est trop, trop mignonne. Vous voulez faire un peu de musique? On va donner le micro. Il y a un micro pour la musique à côté, tu peux le mettre au côté de la musique. C'est ça. Fofana, c'est comment ça, ton prénom, j'oublie toujours. Fofana Fatoumata. Comment se forme la Fatoumata, la future Fatoumata? Tu peux exprime. Tu peux prendre un micro pour parler et l'autre pour la musique, voilà. Oui, je vais parler pour aujourd'hui, c'est pour les femmes et... Chez nous, au Mali, il y a des musiques et tout le monde chante, tout le monde danse comme ça. Chez nous, il y a ça aussi. C'est la journée des femmes aujourd'hui. Ah, oui. C'est la journée des femmes aussi au Mali. Hein. Oui, il y en a des musiques et tout le monde sont contentes comme ça. On danse, voilà, c'est bien. Mais moi je ne sais pas danser. Non, moi, je connais... Moi, mon père, il m'a mis... J'arrive plus à le dire. Je suis perdu. Je suis ailleurs. C'est pas grave, on peut se perdre ici. Hein. Tu sais que les médecins, ils notent tout. ce que tu mais fais. Non, je ne fais pas tout le matin. Et qui est hors secteur, vous êtes à, oui. Vous habitez où, à Cachan maintenant? Oui, à Cachan. Ah, vous habitez à Cachan. Et vous, oui, venez de Cachan ici? Oui. Oui. Oui, ça va. Ça va. Vous allez pouvoir faire ça tous les mercredis? Oui, je peux. Même hier, je voulais venir. Ils ont dit qu'il y a des grèves comme ça. Je suis restée. Ouais. Aujourd'hui, ils ont dit grève. Moi, j'ai dit non, je vais sortir, je vais venir. Vous allez habiter longtemps à Cachan? J'espère, j'espère. Qu'est-ce que vous, là-bas, c'est micro, Régis, tu peux prendre si, un micro? C'est tonton. Tiens, Régis, tiens. Mm-hmm. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, attendez, attendez. Et donc vous habitez chez qui? Chez tonton, à Cachan. Tonton, ah, comment? Vous habitez vous, chez votre tonton à Cachan? Oui. Et vous, ah, allez revenir ça, à Bondy? Oui. Ouais. Oui, j'y peux. Mais vous n'allez pas habiter à Bondy après? Non, je ne crois pas. Hein. Vous préférez Cachan ou Bondy? Oui, je vais, mais j'ai pas, j'ai personne à Bondy. Ah, vous n'avez plus personne sur Bondy? Oui. Ah, vous n'avez plus personne sur Bondy? Oui. Voilà, donc vous continuez à venir un peu au... Oui, oui. À la radio. Vous avez besoin de parler, hein? Oui. De vous exprimer, hein? Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes fait toute belle, maquillée. C'est pour, oui, la journée des va. Femmes ou c'est pour la radio? Ouais, moi, je suis sortie pour la radio. Pour la radio, c'est pour... Oui. C'est pour Martin, je suis sûr. Mais lui, oui, il ne fait même pas l'effort de se raser pour la journée des femmes. C'est ça. Et nul. Non, un macho. Moi, j'ai des femmes qui... aiment aussi les gens avec la barbe. Oui, enfin, les Russes peut-être, mais... Oh, tout le monde, regarde Bastien, beau gosse avec la barbe. Regarde Johan avec sa barbe. Il n'y a que toi qui n'a pas de barbe ici. Et je voulais aussi vous dire, pour la journée des femmes, ma femme, elle dit que vos dessins, c'est les plus beaux du journal du vendredi. Ah. Elle les a tout de suite repérés. Elle a dit, mais c'est quoi ces dessins extraordinaires? Je dis, c'est cette dame Fatoumata. Je me suis permis de montrer une photo à la radio l'autre jour. Et je dis, voilà, c'est elle, l'artiste qui fait... les si beaux dessins, voilà. C'est l'artiste qui faisait si beaux dessins, c'est la, votre femme qui a pris les dessins. Elle les a pas pris, elle les a vus dans le journal. Elle les a vus dans le des journal. Fois, elle est assez critique. Les des a fois, elle dit, là, elle dit, il y a du contenu. Et là, Fatoumata, c'est des beaux dessins. Donc, il faut continuer, et, oui, même chez vous. Et puis, vous nous montrez ça lors des, hein, quand vous venez à la radio, par exemple. Ça, oui, peut être sympa. C'est vrai que vous avez un sourire incroyable, meuf. À la table, ah, vous éclairez toute la radio avec votre sourire. Et, oui, et, tout, vous, et la musique, attendez, le micro, il faut faire attention de ne pas poser... Il ne faut pas le poser en direction, voilà, des haut-parleurs. Il faut le poser pas fort et sur un... Sur, voilà, parfait. Allez, et Fouanata, est-ce que vous allez nous montrer un peu de la musique que vous faites, là? Ici? Oui, allez-y, on écoute. Il y a Johan, tu voulais parler aussi, tu étais en train de parler d'ailleurs, on t'est un peu coupé court, mais c'est vrai qu'on laisse, on donne la parole aux femmes aujourd'hui d'abord, mais vas-y. Monsieur Johan, content de te voir. Tu prends un micro s'il faut, Fanata, tu es à côté, tu peux prendre le micro et parler en même temps, on peut, oui, parler à plusieurs ça, en même temps. MP. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes, je voulais dédier ce jour pour eux. C'est un grand mot, mais j'aime beaucoup cette journée aussi quand même. C'est une journée qui apporte. On vit dans un monde, voilà, et c'est pas toujours les bisounours, mais vous respectez les femmes, quoi. Ouais. Vous adorez votre femme. Ouais. Elle vous plaît. Parle au micro, là. C'est dans votre femme, vous lui offrez des fleurs, vous lui offrez du parfum, qu'est-ce que vous offrez? Du chocolat, qu'est-ce que vous offrez? Ouais, à peu près, ouais. Vous avez une femme au moins? J'en ai eu. Bah, et actuellement non. Il est libre. Et, alors moi, j'ai ramené des roses, mais c'était pas pour une femme, c'est pour la radio et surtout pour la journée du mardi, pour éviter d'avoir, ouais, à demander des crédits. Tu vois, j'ai acheté 3,90 euros les 20 roses, je crois. Ouais. Donc, c'est lundi 20 qu'on, voilà, fait la je te montrerai la ce soir deuxième. Où je les ai achetés. Comme ça, au lieu de se faire chier avec des crédits, qu'on se fait chier, des, ouais, régies, ben, moi, je veux bien acheter un paquet de roses et toi aussi. Deuxième, je vais action. Les chercher, j'arrive. Deuxième action radiophonique de Radio Schizophonia, c'est lundi 20 mars, sur les parvis de l'église de Bondy. Vous êtes tous invités. Et bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous voulez prendre un micro pour parler avec nous? Prenez le... Mais si, comme ça, c'est présente. Vas-y, tu veux dire l'accueil. Merci. C'est quoi votre prénom? Patrick. Bonjour Patrick. Vous êtes déjà venu hein, ici à la radio, je crois. Oui, je suis déjà venu. Oui, oui. Tenez, vous avez le câble là. Connaît, vous connaissez Patrick Bouel, le chanteur. Oui, Patrick Bouel, une seconde, qu'il y a Patrick qui vient se présenter. Patrick, bienvenue, hein, vous êtes bienvenu à la radio. Est-ce que vous voulez aborder un sujet aujourd'hui particulier qui vous trotte dans l'esprit ou qui vous tient à cœur? Non, pas du tout. Non. Bon, si ça vient comme ça, vous prenez le micro et on est libre de parler, hein, tout ce qu'on veut ici. Hein. On peut faire de la musique, on a un peu d'instruments musicaux, on peut improviser le rap. On a des solos musicales, mais donc voilà. Et toi, tu moi, frère. Je m'appelle Aymeric, frère, comme un frère. Et j'aime bien les séries Supercopter, Tonnerre Mécanique. Hein? Tu peux parler. On t'écoute, on est là. Patty Bouel, Tonnerre Mécanique, Supercopter. Alors chante-nous. Fais la chanson. Tu peux chanter un petit peu. Oh, c'est pas grave, on apprend ici. Ouais. C'est bien chanté. Lui, c'est un super prof de chant, lui. Il a fait la chorale toute sa vie. Il a fait. Tu peux l'aider à chanter, Bastien. Est-ce que tu peux apprendre à frère à... Chacun prend un micro et vous chantez tous les deux, par exemple. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Chanter. Chanter ensemble. Oui, oui, chanter ensemble, allez-y. Chanter, ça ne nous laisse et que la chanson chanter, et qu'elle n'est pas les hommes, je veux la chanter. Et bien venez les femmes, sous le vin qui en rit, chanter. Et bien venez les hommes, chanter. Je veux donner la chanson, chanter. Et bien venez les femmes, et sous le vin qui en rit, chanter. Et bien venez les hommes, je ne veux pas laisser chanter. Voilà. Voilà, voilà, voilà, un exemple. Bastien, il a une créativité comme ça sans cesse, une générosité. C'est lui qui est le comité d'accueil de la radio, hein, c'est toi. Tu as la... Lui, il fait la bienvenue à tout le monde. Et alors, et c'est à qui la parole maintenant, Bastien? Vous voulez parler que... Je veux dire que je suis heureux d'être ici, ouais. Parce que j'ai envie d'apporter, j'ai envie d'aider tout le monde, en fait. J'ai envie de soulever tout le monde qui est ici. Je veux que ça se passe bien et que vous pouvez sortir avec quelque chose dans la vie en tête, qu'on a pris soin de vous et qu'on est prêt à prendre soin de votre vie aussi, de la vie de chacun, qu'on a apporté des soins à chacun. C'est important. Merci Bastien pour cet accueil, comme toujours. On va mettre un peu de musique et après on va revenir sur les sujets où tu veux parler tout de suite. Oui, ouais, vas-y, tu peux mettre, enfin, on va mettre une petite morceau de musique pendant que Jason va mettre du rap. Ah, il y a les fleurs qui arrivent pour l'action. Ah, bonjour, bonjour Dune. On a des gens qui arrivent là, des nouveaux. On va mettre un peu la chanson turque, ce groupe La La La qui passe à Paris en live. Le 29 mars, et je vous recommande de le lire, de l'écouter. Et voilà, vive la Turquie, force avec après le tremblement de terre. On est sur Pinot et on continue sur Metanoïac. Kahpe dünya Oui, on est de retour sur Métanoïac. Là, on a une de nos chroniqueuses qui vient de revenir de ne sais pas quel pays lointain, qu'on ne la voyait pas depuis quelques semaines. Bonjour, Dune. Oui, je reviens. Viens t'installer ici. Je reviens du sable et des palmiers. Waouh. Il faisait beau ? Il faisait très beau, une chaleur douce et légère. On peut savoir dans quel pays vous étiez ? C'est un pays qui n'existe pas sur la planète. Ah, ça nous intéresse ici, dans le Métanoïac. On est spécialiste dans des choses qui n'existent pas. Ça n'existe pas, cette planète s'appelle Juvénus. Juvénus. Juvénus. Juvénus. Et là-bas, il n'y a pas la journée de la femme. Ah, il n'y avait pas la journée de la femme, c'est Parce que c'est tous les jours là-bas, la journée de la femme. Ah oui ? Eh oui. Parce qu'ici, la journée de la femme, c'est un jour. Ah, c'est un jour. Et tout le reste des jours, c'est la journée des hommes. Cool. Alors cool. Moi, je revendique ma féminité, mon féminisme et mon déterminisme. Merci au docteur Hérault d'avoir ramené ces jolies fleurs. Elles sont magnifiques. On pourrait dire que ce sont des pétales de soleil. Ah, c'est les pétales de soleil. Hein. Il faut sentir. Elles sont pour vous, les fleurs. Hein. Non, elles sont pour toutes les femmes. Attends, pour toutes les femmes, mais c'est pour l'atelier radio. Elle est pour l'atelier radio, ces fleurs. Hein. C'est un compromis que vous avez fait avec l'atelier radio. Hein. Bah oui. C'est radio. Ça, Micro. Elle coûtait combien à Abondi demande, je crois, combien je sais pas combien, 20 euros un bouquet de. Ah, vous avez acheté les 20 euros là, non, là, c'est chez Aldi, là où je le laisse le soir. C'est 3,90 €. Ah, voilà. C'était 3,90 €. Et ça tient, hein, ça, à mon avis, ça va tenir jusqu'à lundi. Vous avez acheté chez Aldi ? Oui. Et donc, du coup, plutôt que de demander des budgets, moi, je veux bien donner 4 €, toi, 4 €. Et puis, comme ça, on ne demande pas les budgets. Là, voilà. Non, il doit y en a partout. Ça vient de Normandie. Celui-là, il vient de, en bas de chez moi, Alexandre Dumas. Voilà. Donc, je montrerai tout à l'heure. Et comme ça, t'as pas à te prendre la tête sur les budgets et tout ça, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut en offrir, si tu veux, tu peux en offrir. Mais moi, je ne l'offre pas directement aux femmes. Tiens, salut. Hamid Bétard qui rentre d'Algérie. Hamid, viens voir. Salut, Hamid. Viens nous expliquer comment il fait beau en Algérie en ce moment, comparé à ici. Oui. Eh ben viens. Tu comprends pourquoi on a colonisé l'Algérie. C'est qu'on avait tellement la tristesse dans le corps. Ben oui. Tiens, Hamid. Est-ce qu'il fait beau en Algérie en ce moment ? C'est combien le plein d'essence en Algérie ? 5 €. 5 €, bravo, qui dit mieux ? 5 € le plein d'essence et le plein de soleil en Algérie. Et tu nous invites pour aller en Algérie ? Bon, bienvenue. Tu peux, sa mère, elle est d'accord ? Donc on peut y aller ? Non, non, monsieur frère, il est d'accord pour aller. Vous voulez aller en Algérie, monsieur frère ? C'est sûr ? Micro. Micro. Expliquez pourquoi vous voulez aller en Algérie. Monsieur frère va nous... On va t'asseoir. Parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait beau. Oui, il fait beau, il y a du soleil. Je suis très content. Les gens, ils sont souriants. Oui. Le plein est à 5 euros. Bon, c'est bon en bas. Oui. En bas, c'est bon. Oui. Pas tous les jours. Non. Aujourd'hui, c'est bon. Oui. Vous êtes déjà allé en Algérie ? Non, jamais. Vous êtes déjà allé au Maroc ? Non, jamais. Votre micro. En Espagne ? Jamais. En Espagne, en Italie ? Non plus. En Tunisie ? En France ? Non. En France ? À l'Alpe d'Huez ? Non plus. À Chamonix ? Non plus. À Paris ? Oui. À l'île de Léron ? Oui. Ah, oui, l'île de Léron ? Oui. Vous connaissez la mer ? Oui. Eh bien, en Algérie, c'est comme ça, mais avec un port du plus beau temps, quoi. Ah, d'accord. Voilà, il fait beau. Du plus beau temps, ouais. Donc ça, c'est la Bretagne, du plus beau temps. Voilà. Ouais. Bon, vous voyez, hein, des fois, on peut se confondre aussi dans les paroles quand on dit les choses en vieillissant. Des fois, ça fait comme vous. On dit un mot pour l'autre. Voilà. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson ? Parce que lui, comme il est d'origine portugaise, il chante du fado, mais c'est merveilleux, je vous jure. Non, moi, je connais que les chansons françaises. Par exemple, au karaoké, vous chantez quoi ? Ah, là, je ne sais pas. Là, tout à l'heure, vous allez nous chanter quoi ici ? Michel Sardou, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman. Enfin, je sais plus. Et vous connaissez par cœur ou il faut qu'on vous défile les paroles ? Non. Il faut définir les paroles. Il n'y a pas une chanson que vous connaissez par cœur ? Non. Parce qu'ici, on a une spécialiste, Léo Ferré, qui chante dans le métro. Ouais. Et qui chante super bien. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais nous avons. Parle au micro, attends Bastien, tu peux ça prendre. Châtelet, ça non, mais il y a d'autres micros. Hein. C'est Léo Ferré chante. Oui, je connais De Palmas. Oui, je connais. Oui. Oui, oui. Le metteur en scène. Oui. Oui, je connais. Tu veux qu'on te mette une chanson de Jean-Jacques Goldman, voir si ça peut. Je sais quoi. Pas. On va essayer. Ouais. Tu avais une autre chanson d'abord à mettre ouais. Vas-y, tu peux parler. Tu... J'ai Béatrice Ferreira. Ah, j'ai Béatrice Ferreira. Salut à Béatrice Ferreira qui est en Normandie là, et qui vient de sortir un super vinyle, un album chez Jérém. Et là, il y a Basile Jason. Oui, on va écouter Béatrice Ferreira après, vous allez voir, c'est très. Ça part bien loin, hein. C'est dans la poésie à fond. Vas-y, Jason, on t'écoute. Quand tu veux. Oui, vas-y. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages, tous nous ranger. Vas-y la même, si je vous aime, vas-y la même. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, si je vous aime, vas-y la même, si je vous aime, vas-y la même. On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme les fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins, et c'est vrai 10 000 mains. On peut aimer Brel et McGee, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Vas-y la même, si je vous aime, vas-y la même. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, si je vous aime, vas-y la même, si je vous aime, vas-y la même. Entrez dans la tête pour ma liberté chérie. La vie c'est des ennuis, non vie attend les années. C'est des envies, l'envie avant les envies. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, vas-y la même. Si je vous gêne, vas-y la même. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne. Vas-y la même. Au revoir. Au revoir. Vas-y la même. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si je vous aime. Vas-y la même. Si je vous aime. Vas-y la même. Oui, bravo. Ouais, ouais, ouais, ouais, écoute, écoute, la lame, je peux mettre une chanson, moi ? Vas-y, faut que tu... Vas-y, cool, je l'introduis vite fait. C'est Protoge, je connais pas cet artiste, mais j'aime bien. Je connais... C'est un reggae. C'est un reggae de qui, tu dis Protoge ? Un reggae, Protoge, Protoge, je sais pas comment ça se dit, Protoge, Protégé, je sais pas, peut-être Protégé. Protoge, Protoge. P-R-O-T-O-J-E. Et c'est sympa, ça raconte comment il kiffe sa vie dans les Antilles. Et c'est en anglais. Et des fois, je l'écoute sur le banc et j'imagine que je suis aux Antilles. Attends, on va te m'aider quand tu seras prêt. Pourquoi la prise, la prise jack, elle est cassée. Oh, vas-y, tu m'aides, alors mets-le sur le mien et on va voir. Vas-y. Attends, vas-y. Sinon, sur Jason, Jason, tu peux mettre la musique. Jason, je peux voir ton YouTube. Voilà, pour l'instant qu'on s'installe. Et cool. Et Fofana, tu peux nous jouer un peu de musique ? Tu mets le micro à côté. Oui. Voilà, comme ça on écoute ce que tu fais et on fait une intro, une pause musicale là. Ouais. Oui, merci, merci. Formidable. Merci, merci beaucoup. Fofanata, c'est super, tes rideaux musicaux. Merci. Alors, c'est parti, j'espère qu'il n'y aura pas de pub. Petit conseil pour tous ceux qui veulent naviguer sur Internet sans publicité, installez le navigateur Brave, B-R-A-V-E. Il est gratuit et il supprime toutes les pubs. Même YouTube, même Spotify, vous pouvez avoir un compte Spotify gratuit. Ah oui. Et Brave, il supprime les pubs. Du moment que vous allez sur Spotify à partir de Brave. Merci Alain, comme ça on peut. Le navigateur brave. Ouais, Spotify. Prends le micro. Spotify. Ouais. Alors là, je crois que c'est bon. Ça va y aller. Attends, tu me dis quand ça va marcher, je mets le son là. Ça charge. Ouais, ça charge. Ça charge. Tout prend son temps. Il est 17h18, on est sur Radio Métallière. C'est bon. And it's a protégé. Ça coupait là. C'est internet qui charge. Ah oui, mauvaise connexion. Sunshine, rivers and trees, relief. Hey. When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man they in a city hungry and no eat. And food they down a country just a drop off of the tree then. You see say poverty no real then. Is what the reasoning revealing. Just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. Can't provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Really, when the rain hits a pot on the roof, herb just a steam pepper pot on the stew. Life is a dream if you got gratitude. So go tell the regime them can't stop what we do now. Information you think on your own, or else you're a slave to the things that you know. What do you know if you learn every day? So be careful of things where you say. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the train blows, sending love to my friends and foes. And I suppose chilling in the West Indies. Jah provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Green leaves. Africa in our soul, but a Jah in our heart. It is of importance for I and I gather. If we cannot show now a balance that we had, how do we propose then to carry it abroad? Cannot go to Ethiopia and you not have a plan. The building of a nation and a helper and every. One a lover, one a man, is just a man. It shall be a coronation when we land, land, land. Who knows, who knows, who knows, who knows? I just go as a train who knows? Sending love who to knows? My friends and who knows? Who knows? W-H-O, plus loin, K-N-O-W. Who knows? K-N-O-W-S. C'était oui. Protoge, who knows, sur Metanoia. Oui, great, great, great. Super musique, j'ai bien aimé. Et Dune, est-ce que tu veux nous dire quelque chose avec ta voix qui nous transporte? Je voudrais dire que, après. Que Macron, s'il te plaît, Macron, fais pas la guerre avec la Russie. On n'a pas envie d'une troisième guerre mondiale. Arrête d'envoyer des avions, petit con. Tu joues avec le feu. Et ça casse les couilles, parce que j'ai pas envie de faire la guerre. Voilà. Oui, en plus, il faut un... Macha Béranger, vous avez un mot à dire ? Laisse les Russes envahir l'Ukraine, faire leur petit massacre et n'exagère pas. Dune. Dune, on t'écoute. Un message de paix, bah, hier, il faut arrêter. Non, aujourd'hui, je ne suis pas très inspirée. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, on t'écoute. Ah, pardon. Tu as quel micro, le numéro 5? Je ne sais pas lequel. Ce n'est pas un numéro, c'est une femme libre. Le micro, 1. Pas elle. Le numéro 1. Ah, voilà. Je ne suis pas très inspirée aujourd'hui. J'ai un problème avec le micro. Cette chanson-là, j'avais déjà entendue. Elle est très, très jolie. You know, you know, you know. En anglais, ça veut dire quoi? Tu sais. Who knows, ça veut dire qui sait. Who knows. Si vous voulez, je peux vous traduire le refrain. C'est qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Who knows. Who knows. Who knows. Voilà, tu l'as. C'est qui sait, qui sait, qui sait. Who knows, who knows, who knows. Je vais juste où le trade wind. Trade wind, c'est difficile à traduire. C'est le je vais où le vent me porte. Le vent du business me porte. Ensuite, c'est I just go where the trade wind blows. Ensuite, j'envoie de l'amour en envoyant de l'amour à mes ennemis et à mes amis. Et je suppose que je suis content de chiller dans les Antilles. Déjà. Pour déjà m'envoie tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai l'éclat du soleil, les rivières et les arbres et les feuilles vertes. Voilà, c'est ça le refrain. C'est très, très joli. Ah, c'est sympa. C'est après, bon, le côté déjà machin et tout. Moi, je ne suis pas dans la religion Rasta. Je crois qu'ils se sont un peu fourvoyés, les pauvres. Non, mais le terme Dja, pour eux, c'est un terme qui signifie une petite sorte de divinité ou une sorte de, comment dirais-je, d'inspirateur musical. Dans leurs chansons, je ne pense pas que ce soit quelque chose de religieux. C'est plutôt quelque chose de mystique, selon moi. Donc, il y a beaucoup de Dja. Je ne sais pas si vous connaissez un chanteur qui s'appelle... un chanteur sénégalais, lorsque je suis partie au Sénégal... qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Comme elle est celle que je connais, Youssou N'Dour. Non, j'ai oublié son nom. Non, non. Mais il y en a un autre qui s'appelle Fada Freddy. Et un jour, je voudrais bien faire un concert avec... Enfin, assister à un concert avec Fada Freddy. Comment il s'appelle, notre chanteur? J'ai des trous de mémoire. Vous savez, le chanteur de reggae qui a un certain âge maintenant, qui a une barbe blanche. Tikenja Fakoli. Tikenja. Tikenja, ouais. Ouais. J'ai vu un concert de Tikenja au Zénith, je crois. Ouais, il est magnifique. Et il y a le patate. Hein. Il met des high kicks sur scène comme jamais. Le mec, il a 70 piges, il est garant. Non, mais en fait, lorsqu'il arrive sur scène, il a une entrée incroyable. On dirait un guerrier Maasai. Il est sublime, il a un... comme tissu qui te recouvre les épaules, un tissu fait de laine et avec des imprimés africains qui ressemblent à du... vous savez, la matière... Oui, aujourd'hui, j'ai pas de mémoire. Du basin. Et lorsqu'il arrive, il arrive en sautant et c'est vraiment magnifique. Parce qu'en fait, il sautille malgré ses sautillements. C'est pas un sautillement, c'est une force qu'il dégage lorsqu'il arrive sur scène. Et en fait, lorsqu'il commence à amener cette énergie, on s'éloigne, on n'est plus dans la salle, on n'est plus dans les continents européens. On est en Afrique, de l'Ouest, de l'Est, du Centre. Je ne dirais pas de l'Afrique du Nord, parce que c'est un style musical différent et... Même si c'est l'Afrique, les modes de vie sont pas... Vous connaissez Oularlou ? Non. Vous connaissez pas Oularlou ? Non. Mais je vais vous faire découvrir ça. Alors. Je mets une chanson en français parce qu'il chante en kabyle, mais je comprends pas le kabyle. Je préfère quand il chante en français. Moi c'est aussi, je comprends pas. C'est musique d'Afrique du Nord. Vous parlez d'autres langues que le français ? En fait, la musique Afrique du Nord, je l'écoutais quand j'étais ado, mais... J'écoute plus les musiques d'Afrique du Nord. Ah, quoi ? Bah, j'écoute la musique sénégalaise, les musiques maliennes, chants traditionnels. Cool. Qui m'apportent une certaine spiritualité. Comme le soufisme. Tinariwen, vous écoutez ? Ça me dit quelque chose. Tinariwen, je les ai vus en concert. Ils ont l'air de tueurs. Les mecs, ils jouent de la basse comme s'ils étaient en guerre. Et il regarde le public comme si on était des petits blancs lâches. Moi, je déconne. Non, mais c'est vrai que les guitares remplacent les fusils. Donc, on a organisé le festival avec Justine Adams, Lojo et tout, la première pleine lune de l'an 2000, là. Donc, on est allé avec Chalon dans la rue et compagnie. On a organisé à Tinesaco, à peu près une journée de 4x4 dans le Nord, un gros concert qui a duré une semaine avec tous les Touaregs et tout. Et le but, c'était de transformer les armes. On avait fait un grand feu en 1991, on n'était pas là, mais on a brûlé toutes les armes pour dire la guerre est finie. Mmh. Et ils ont pris des guitares en se disant que les guitares, voilà. Donc il y avait Philippe Timsit, c'était le manager. Bon, après ils sont partis avec les Anglais qui les payaient plus, etc. Mais on a organisé un super concert dans le désert. Ça a duré une semaine avec des milliers de chameaux qui arrivaient. Etienne, comment ? Vous y étiez ? Oui, j'étais le médecin responsable de la mission. Et oui, c'était un délire, comment dirais-je, pour le troisième millénaire, où en fait, il fallait qu'on montre que le message de paix, comme ça, lancé dans le désert, allait traverser. Bon, ça n'a pas spécialement marché une dizaine d'années. Là, maintenant, bah, c'est les mêmes qui sont un peu dans les trucs d'indépendance, l'Azawad, et puis voilà, Acme et tout ça. Là. C'est un peu les mêmes qui se sont mis là-dedans. Mmh. Voilà, mais Tinariwen continue à tourner. Si on peut mettre un petit morceau de Tinariwen, ça peut être pas mal. Donc le rythme, c'est un rythme très désert, et la marche des chameaux avec... voilà. Donc en effet, le côté guitare, comment dirais-je, fusil, c'était un peu voulu. Hein, c'est-à-dire qu'avant, c'était les Touaregs qui... balader avec des armes, et du coup il y avait quand même la guerre qui revient maintenant un petit peu, hein, quand même, enfin un peu beaucoup, mais à l'époque c'était un grand message musical, et tout le monde participait. Je peux vous dire que c'était... Et c'était que Tinariwen qui jouait pendant la semaine? Non, il y avait des vingtaines, des trentaines de groupes. Alors c'est vrai que le rythme, c'est le rythme des chameaux, c'est-à-dire qu'en fait le rythme de Tinariwen qu'on va entendre tout à l'heure là, et ben c'est le rythme du chameau, c'est-à-dire quand vous êtes sur un chameau et que vous avancez dans le désert, c'est en fait ce rythme-là qui rythme toutes les chansons, un peu saccadées, voilà. Mmh. Et on est là-bas, bah, on a envie d'y rester, hein, je dois vous dire que... Vous avez une chanson particulière de Tinariwen ? Non. Non ? Moi, je vais mettre celle-là. Là. C'est un ensemble. Ça charge. Tout à l'heure, on entendra Béatrice Ferreira qui, elle... Ça s'appelle Le Chant des Oiseaux, La Rivière des Oiseaux. Donc, c'est une compositrice qui est maintenant assez âgée et qui connaît Martin Baquero et qui se trouve être ma voisine en Normandie. Elle a failli mourir là, donc elle est dans une période de. Elle doit avoir 75 ans. Ça va mieux là, elle vient de sortir un album là. Va écouter. Et ça s'appelle. Son nouvel album, ça vient de sortir il y a un mois. Sendero de Luz y Sombra, c'est encore autre chose. De Luz y Sombra, à tout à l'heure. Qui est sorti il y a un mois au GRM là. Au GRM. Concert le 18 mars. Thank you. ساس وينو لينا الوقت انتاز ساس وينو لينا الوقت انتاز فات اللي وبلان النوفلي بس الدنيا هركوك تموتي بس الدنيا Fofanata, prends un micro, comme ça vous écoutez ta voix. Je peux mettre un autre morceau de musique. Oui, mais elle voulait dire une chose. Ah, pardon. J'ai dit, la guerre au nord du Mali, c'est pas bien, non? C'est ça que j'ai en train de faire. Non, on est contre toutes les guerres, nous, le métanoïaque. On est justement pour transformer tout la paranoïa en métanoïa. Ah, donc on va sortir dans les rues bientôt pour remplacer les armes par des instruments de musique et toutes les persécutions par des nouveaux ponts avec le au-delà et l'en-dessa. Et donc, ce festival au concert au désert, justement, c'était pour lutter contre la guerre au Mali, parce qu'on savait toutes les horreurs qu'il y avait eu avant. Et c'est un festival qui a duré encore pendant une dizaine d'années quand même. Chaque année, il y avait. Après, ça devenait un peu plus touristique. On pensait que ça allait continuer, mais on sait très bien toutes les horreurs qui se passent là-bas. Non, ça va pas du tout. Oui. C'est maintenant, c'est la Zawad. Ben, nous, quand on y était, bon, il y avait des voyous, hein, ils nous avaient volé. On était. À l'époque, c'était quand même des guerriers. Ah, hein. Il y a des gens qui tuent les gens. Qui violent les femmes, qui tuent les. Oui, ben oui, vous avez raison. C'est pas bien. Non, c'est pas bien et vous avez raison. Mais on pense qu'avec la musique, et bon, on peut transcender tout ça et on peut passer au-delà de tout ça. En ce moment, ils ont gagné parce qu'il y a tous les. Ils sont financés aussi hein, par certains pays. Et voilà, c'est ACMI en ce moment et tout ça. Et voilà, les voyous qui nous avaient un peu braqué le matériel, qui nous avaient rendu après, mais ils nous avaient braqué, bah, c'est les mêmes là qui, comment dirais-je, qui persécutent tout le monde en ce moment au nom du djihadisme et tout ça. On a même rencontré ici au CAC un jeune qui s'était échappé d'un camp et qui était ici, que j'ai vu dans un cadre d'urgence et qui s'était échappé, qui racontait comment on les finançait 200 euros par mois pour... voilà, et qui s'était échappé, et personne ne le croyait, enfin, moi qui connaissais la région, je lui ai montré, et du coup, j'étais en photo avec le mec qui essayait de le tuer, donc, voilà, donc, vous voyez, tout ça, c'est un truc, donc, il ne faut pas baisser les bras, la paix reviendra, mais voilà, et la musique, tout ça gagnera, mais à chaque moment, il y a les forces un peu du mal, ça revient un peu toujours, regardez en Ukraine, regardez partout dans le monde, mais... Vous avez entendu parler de la Farge qui finançait le terrorisme au Mali, la Farge? La Farge, oui, mais la Farge, c'est eux qui ont fait le mur de l'Atlantique. La Farge, c'est des fachos depuis le début. Je me permets de dire ça, mais là, ils sont tous les coups. Voilà, ils étaient avec les nazis à l'époque pour faire le ciment. Voilà, ils sont toujours dans des histoires pas possibles. Au moment de l'État islamique, ils ont fait une alliance avec l'État islamique. Donc, le seul but, c'est de faire. Les industriels, ils ne regardent pas la couleur du pognon. Voilà. Donc là, on va revenir à des trucs plus beaux, peut-être après. C'est Béatrice Ferra. Je ne sais pas s'il marche le tour de disque, mais en attendant. Tu vas nous chanter un truc? Il faudrait. Faut quoi? Il faut les chanter quelque chose, une petite chanson malienne du sud du Mali plutôt que le nord où, voilà, c'est vrai qu'il y a des sensibilités parce que cette Tinari Wen, même s'ils font pas la guerre, s'ils sont pour le Mali en entier, ils représentent quand même le nord du Mali avec lequel les Maliens sont en guerre depuis longtemps pour des histoires d'esclavage aussi, parce que souvent ils arrivaient, ils mettaient en esclavage les gens, donc ça a toujours été deux pays limitrophes qui font partie du Mali, mais c'est deux pays un peu différents. Il y a les Touaregs plus blancs au nord, qui venaient prendre des autres en esclavage, et puis les autres en bas, voilà. Même s'il y a une réconciliation avec l'islam, il y a quand même la guerre entre les hommes. Ah oui, c'est chaud, là. Oui, allez-y, racontez. Il y a des gens qui payent les gens pour tuer les gens comme ça. Ben oui, c'est des mercenaires partout, dans toutes les guerres, toutes les religions, toutes les races, c'est toujours la même histoire. Si on laisse faire les êtres humains, eh ben, il peut se passer des trucs horribles. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Il y a des armées françaises là-bas pour aider, oui. Mais ça ne va pas. Là, maintenant, il y a les Russes, voilà. Ah, à Wagner. Ça ne va pas partir. Ah. Voilà, vous êtes déjà allé à Gao? Non, je n'ai pas. Vous êtes de Kaï, vous êtes d'où, vous? Moi, je suis au Bamako, j'étais au Bamako. Bamako? Oui. Il paraît qu'à Bamako, en ce moment, il y a des gens qui meurent de faim, hein. Oui, ça va. Ouais, alors que c'était vraiment un pays qui ça marchait pas trop mal quand même. Hein. Y en a, moi, je n'ai pas vu que ça là-bas. Laquelle? Oui, ça va. Ouais, ça va. Jason, micro. Freezing. Allez, plus haut. Oui, en fait, c'est tout cette histoire des nationalités, de cette nation. C'est ça qui crée la guerre. Hein, parce que c'est des limites totalement arbitraires. Amin Malouf, il dit que c'est la cristallisation des identités qui pousse au conflit. Hier soir sur Arte, il y avait tout un truc sur les nazis, mais c'était délirant parce que ils étaient sur l'histoire de leur histoire qui n'avait aucune histoire. Enfin, et c'était un décor de carton-pâte avec des débiles mentaux qu'ils appelaient Göring qui faisait son petit jeu de Roger. Ah, mais tu te dis, mais comment on a pu marcher dans une telle farce aussi stupide? Et ils montraient comment ça peut se reproduire à tout moment avec un jeu identitaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Micro, Fofanata, s'il te plaît. Ils sont en train de tout mélanger là-bas. Ils ont dit Macron ne parle plus à la place, quoi. Ils ont dit moi je sais pas. C'est des gens qui parlent comme ça. Prends Macron. Le micro, moi j'ai un micro. De qui vous parlez? Non, ça va. Au Mali? Oui. Des gens qui parlent comme ça et qui emmènent les gens. Non, ils ont dit Macron ne parle plus. Il est pas de la situation du Mali, quoi. Je sais pas, ils sont en train de dire ça, non? Ah, mais ils sont en train de dire du mal de la France en ce moment au Mali, hein. Oh là là. Oui. Il y a un article sur un média africain, il a dit Macron, il a pas fait une tournée en Afrique, il a fait une tournante en Afrique. C'est pas facile, non? Non. Allez, on va mettre une petite chanson, peut-être. Vous voulez chanter une chanson du Mali du Sud? Pas le micro, s'il te plaît. C'est ça le Touareg, non? Moi, je ne sais pas chanter Touareg, non? Voilà. Donc, il faut savoir, il y a quand même des conflits ancestraux entre les Touaregs, avec ce qu'on a passé tout à l'heure. Mais... Ils sont bien là-bas, non? Ce sont les Maliens. Voilà. C'est quoi ça? Il y a Quentin Verla qui bientôt va lire sa chronique sur l'humanité. Oui. Ah, Quentin Verlac. Ça va, ma femme, du coup, elle veut plus que je décroche la nuit, hein, à 2h du mat, mais moi, je suis très content si un jour... Ouais, tu as l'air à speed, Quentin, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il n'a pas bien dormi, moi non plus, parce que cette nuit, il était un peu embêté. Viens nous parler un peu au micro. Alors, à la radio, Quentin, votre article est en bonne route, là, on en a parlé avec les les secrétaires pour chronicité, l'article sur la chronicité et la répétition. Après, c'est toi. Donc, Pedro Serra l'a lu, et il l'a trouvé très intéressant, il l'a envoyé à l'éditeur qui dit moyen. Pedro a insisté, là les secrétaires l'ont lu aussi, ont trouvé ça très bien, les infirmiers aussi très bien, parce que c'est concis, c'est efficace, psychose, stress traumatique, répétition. Moi après, je trouve que c'est bravo d'avoir écrit ça. La chronicité du patient. Oui, mais moi je préfère le dernier que vous avez fait sur vous, entre guillemets, où au moins en deux pages c'est plié, quoi. Et ça, voilà, vu qu'il n'y a plus de psychiatre bientôt, autant que les articles. L'éditeur n'était pas pour les deux, en fait, c'est ça? Non. Moi, le premier, c'est bien, mais enfin, on parle trop de Monsieur T, là. Ouais. Voilà, je trouve que le deuxième, vous parlez. Enfin, moi qui ai l'habitude des maisons d'édition, tout ça, moi, je vois un truc comme ça, je le corrige, je vous ai fait la correction, je vais vous la donner avec les fautes d'orthographe. Okay. Mais voilà, je crois que Pedro a déjà corrigé, mais enfin, moi, je fais corriger les patients, chacun. Ouais. Avant, il y avait des secrétaires, maintenant, ça se fait plus. Okay. Mais là, maintenant, donc vous faites que vous corrigez, je vais vous donner la correction, vous renvoyez à Pedro, il envoie à l'éditeur, et puis voilà, c'est fait. Et puis voilà, c'est tout. Vous savez de quoi vous parlez. Quentin, qu'est-ce que tu voulais parler de quelque chose, là? Vas-y, le micro à toi. Moi, je voulais dire aujourd'hui juste que je suis fatigué de bosser pour des gens qui brassent de l'air. Je fais un métier qui est dangereux. J'ai cassé mon anonymat à Villiers-Vrac. J'ai dit ce qui se passait dans ma vie pour qu'on puisse me suivre pour mes symptômes et pas d'autres. Ça fait 3 ans que je travaille pour la police dans une entité particulière. Et je me prends des menaces de mort constantes. Hier, je descends fumer. Je me prends des menaces de mort de la part des habitants du quartier. Et j'en ai marre, en fait, de tout ça. J'attends juste la prochaine scène de violence et d'intervenir. Et je suis bouffé par tout ça, en fait. Je suis rongé par le stress post-traumatique. Et j'ai fait des notes de service par rapport... Moi, je dis tout, j'ai plus rien à perdre. J'ai fait des notes de service. La police me dit que c'est des problèmes personnels. Ils peuvent pas m'aider. Et donc, du coup, je suis démuni, je suis tout seul. Cette nuit, j'ai appelé Docteur Hero à 2h du matin parce que j'en pouvais plus. Il y avait des problèmes, donc n'appelle plus à 2h du matin. Ma femme, elle a pas dormi de la nuit. C'était fils métanoïaque. Mais je préfère que ça plutôt que d'aller aux urgences. J'ai eu le médecin des urgences. Ouais. Je dis tiens, j'ai évité un passage aux urgences cette nuit et peut-être une tentative de suicide. Mais enfin, on va pas suicider pour ça non plus. Si vous descendez, moi, si je descends dans ma rue à 2h du mat, il y a les dealers en bas. Je suis à Paris. Moi, je me prends la tête obligatoirement. J'ai pas peur d'eux. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de zone de non-droit. C'est-à-dire que je fume en bas de chez moi. Ça fait 25 ans que j'habite là. J'ai la copropriété de l'appartement avec ma mère. J'ai le droit de descendre en bas fumer dans un appartement. Mais c'est un peu leur territoire, donc c'est normal. C'est pas leur territoire et j'habite là depuis avant eux. Eux, ils sont là jusqu'à 3 heures après ils rentrent dormir. C'est pas mon problème. Moi, je sais que j'ai le droit d'intervenir dans ces moments-là quand c'est trop chaud. J'hésiterai pas à le faire. J'ai la police qui est de mon côté. J'ai tout prouvé par A plus B, mais je suis fatigué. Je suis épuisé par tout ça. Voilà, et puis c'est stupide de faire ce genre de truc parce que là, je vous raconte, par exemple, à la gare de Bondy, on vient de voir un monsieur qui vendait des cigarettes. Le pauvre, il a été témoin. Il y a des policiers qui étaient témoins de ça. Du coup, ils ont dit on n'a pas le droit de vendre des cigarettes. Du coup, le mec, des mecs se sont jetés sur les policiers, les ont tabassés. Lui, il est resté là et du coup, il a été ramassé. Voilà. Ouais. Et en fait, ça fait écho à son propre stress traumatique. Qui se trouvait le meurtre de son frère au Bangladesh. Et où il est venu en France pour fuir ça. Et donc, vous voyez, on répète et on trouve pareil, dans toute la pathologie du CAC, on retrouve sans arrêt le même truc de stress traumatique, c'est-à-dire des gens qui ont été stressés viennent pour un stress. Bon, là, on peut prendre pour ça pour une déprime, c'est pas de la psychose, mais après, du coup, il a peur, du coup, il est un peu parano, du coup, il est phobique de tout. Et on retrouve un peu les mêmes symptômes. C'est pour ça que votre article est important, mais c'est pas la peine de se remettre dans le stress post-traumatique. C'est pour ça que je vous ai envoyé l'article que Isabelle Capestan nous a envoyé. Si, c'est tout un gros truc sur le stress post-traumatique où ils expliquent bien que la meilleure manière, c'est aussi de parler de ce qui se passe et tout. Parce qu'en fait, tout le monde a vécu un stress traumatique à un moment. C'est ça. Depuis, pourquoi on le répète ? On le répète parce que justement... ça. Ouais, depuis janvier 2016, moi j'ai un oncle, malheureusement, je vais le dire ici parce que de toute façon, tout le monde le sait, la plupart des gens le savent, j'ai un oncle qui s'appelait Bernard Verlac, qui était le dessinateur Tignous à Charlie Hebdo. Et qui s'est fait buter là-bas à Charlie Hebdo. Depuis, je me prends des menaces de mort. J'ai eu des problèmes avec les patrons d'un café qui fait face à ma rue. Je me suis énervé sur eux et je leur ai balancé mon identité de flic. Et de toute façon, j'étais armé ce jour-là. Et le truc de Charlie Hebdo. Et depuis, je me prends que des menaces itératives, répétitives. Et je sais pas quoi faire. Mais quand on est policier, faut pas le dire. Là, par exemple, les deux policiers qui étaient à la gare pour les cigarettes, là, ils étaient ils ont dit c'est interdit de vendre dans la rue, comme on peut dire. Sauf qu'il y a des mecs qui les ont tabassés. Mais moi, comme j'ai pas d'appui. Mais ils ont pas eu d'appui non plus. Ils se sont fait massacrer. J'étais du coup, les autres policiers ont massacré les mecs qui étaient sur place, dont notre patient. Ici, j'ai été mal soigné pendant des années. Je viens pour des tentatives d'homicide. J'ai la preuve de la police. Ici, les psychiatres ne m'écoutent pas. On me dit que c'est de la schizophrénie, donc je suis obligé de lever mon anonymat et de dire. Mais pourquoi vous êtes obligé de dire perdre, on vous écoute, Martin, vous écoute. Mais non, parce qu'en fait, docteur Michel, j'étais schizophrène, j'étais psychotique, mais donc du coup, je suis obligé de dire. Vous êtes à l'hôpital psychiatrique, comme vous avez si bien dit dans votre article, assez vite, on fait des diagnostics. Mais par exemple, dans les CMPP, on fait des diagnostics MDPH d'enfants handicapés, alors qu'ils ne sont pas du tout handicapés, pour qu'ils soient suivis aussi. Si, c'est écrit. Et ils ont le dossier MDPH, tout simplement pour recevoir des patients et pour les voir et les écouter parce que leurs parents se disputent. Donc vous voyez, Quentin. Tu dis que métanoïaque, tu n'es plus paranoïaque, tu es métanoïaque. Il n'est pas paranoïaque. Schizophoniaque. Je suis trop ancré dans la réalité, moi. Voilà, mais oui, c'est ça. Et c'est là, en ça, que vous êtes un peu psychotique. C'est quand on est trop ancré dans la réalité. Non, j'ai été soignant et après, j'ai fait faisant fonction dans des associations Médecins du Monde et Amnesty International. On va mettre une chanson pour accompagner. Là, il faut aller dans l'art. Par exemple, vous allez dans l'art au théâtre du Nord-Ouest. Hein ? ça me regarde, ça. Ça me regarde par exemple, dans la création, vous serez mieux parce que policier, c'est trop prise avec le réel. C'est pas marrant. Et puis après, voilà, policier, c'est. Et d'abord, on le dit pas quand on est policier la plupart du temps. Voilà, c'est comme ça. Je voulais dire, puisque j'étais mal soigné, on me comprenait pas. On oui, mais enfin, moi, je vous ai jamais demandé ce qui vous est arrivé et dit votre identité policière. Il n'y a pas besoin. Voilà, on va pas raconter ce qu'on. Quand on est policier, il faut pas le dire, quoi. En gros, il faut pas le dire, Quentin. Je voulais juste dire, je suis gris dans tout mon quartier. Donc, moi, je voulais juste dire, ton oncle, il m'a fait une caricature. Elle est affichée chez moi. Ouais, il déchire. Ouais. Il déchire. Une caricature de quoi ? Une caricature de ma gueule, en fait. On était au salon du livre de Montreuil, et, sur la place du marché, et puis moi, je vendais des livres, et j'ai vu qu'il y avait Chinews qui vendait un livre qui s'appelait Sarkozy m'a expulsé. Ouais, je l'ai vu, ce livre, je l'ai vu. Et je suis parti lui demander de me faire ma caricature. À Tinius ? À Tinius, il me l'a fait gentiment, et il m'a même pas fait payer, et je lui ai fait, même Tinius, pas cassé la gueule parce que j'étais vexé. Ouais. Il a été frappé par les attentats alors que c'était le seul de Charlie qui prenait position pour ne pas caricaturer Allah, en fait. Donc du coup, il a été frappé pour des choses. Il a fait d'excellents travaux sur les prisons. Il a travaillé avec des médecins pour aller visiter les prisons des femmes, notamment, pour rendre des comptes sur ce qui se passe, sur l'omerta qui règne là-bas. Et il a jamais caricaturé quelle que soit de choses religieuses. Et vous le connaissiez, vous ? J'ai pas eu de lien avec lui parce que mon père me protégeait de ça. Il parlait plus à toute sa famille. C'est après les attentats que j'ai commencé à savoir tout ça et que mon père m'a surprotégé. Bon. Il y a un centre T-News qui a été ouvert à Montreuil il y a à peu près un an. La Croix-Tiavo, sur la rue de Paris, je crois. L'avenue de Paris. La rue de Paris. L'avenue de Paris, 156 avenue de Paris, je crois, un truc comme ça. La rue. Ouais. Bon, voilà, donc moi je voulais juste dire que je l'appelle au calme et j'espère que tout ira bien, mais on verra bien. Voilà. Merci. Let's get down to business, mental self-defense or fitness. Don't rest the show. You got to go to what you know. To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. Oui, c'est ce qui se passe avec la musique, tout est métanoïaque aujourd'hui ici. Mais on va écouter Johan là, après Fight the Power, et on va mettre un peu un morceau de musique qui Johan va nous improviser un peu du rap, quoi, après cet épisode total. Tu as mis ? Vas-y, Tina Arena, ça ? Et Johan à la voix, et après on va écouter un peu avant de partir dans une autre dimension métanoïaque. Cacher mes différences, sous des héros de faux semblants. J'ai que d'autres pas de danse, me cacherai au jeu des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin. Aller plus haut. Aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut. Aller plus haut. Rapprocher de l'avenir. Yeah. Pas de temps de voir la trace des rêves pour lesquels je vivais. Je n'ai jamais de dire je t'aime, seulement te garder. guérir ses douteurs. Dans le temps, dans ton mains. Allez plus haut, allez plus haut. Combler ses souvenirs. Allez plus haut, allez plus haut. Se rapprocher de l'avenir. Yeah. Allez plus haut, allez plus haut. Dessiner des souvenirs. Allez plus haut, allez plus haut. Encore à l'avenir. Allez plus haut, allez plus haut. Pensez de l'avenir. Yeah. Voilà. C'était Aller plus haut de Tina Arena. C'est spécialement une dédicace pour la journée de la femme. Que les femmes, qu'elles y vont plus haut dans la vie, elles peuvent arriver de toute façon. Et on est tous égaux et c'est ça le message en fait aujourd'hui. Voilà. Merci pour ton message, Metanoïac. Et... super, super, Johan, merci. Ouais. Tu as une voix incroyable. Il faut... bien, on va bien te sortir un album, hein, Johan. Il a enregistré trois morceaux. Là, on a plusieurs candidats. Il y a l'album d'Alain, il y a l'album de Johan. Donc, on va faire sortir bientôt un label. Il y a Jason, quand il revient de sa clinique, tu nous fais un album. Oui. Mais oui, voilà, on a plein d'albums. On va la musique de Fofanata. Production. Voilà, donc on accepte des envois, là, nouveau dans label sortie, Metanoïac. Ça, sortie, ok, vraiment, donc on va montrer un peu de Béatrice Ferreira, qui vient de nous offrir de la Normandie, nous a envoyé son. J'espère que tu nous écoutes, Béatrice, je t'aime, on va bientôt venir te voir pour finir notre docu. Et un peu de son dernier album, Senderos de Luz y Sombra. Quoi ? Tu vas chaque jour ? Non. Ah, ok. Ça marche ou pas ? Il faut descendre là parce que ça ne sent pas. Non, il ne touche pas, la platine. Il y a un truc là. Alors, là, non, ça n'arrive pas encore. C'est totalement métanoïaque. Non, il faut que... c'est ça en fait, attends. Il faut enlever ça. Non, ça touche pas. Là oui, attends, est-ce que ça marche là? J'entends rien. voilà, Béatrice Ferreira, son dernier album, Santé de Louis Semble. Un, deux, deux. Mais il y a notre reporter ce soir, de... Ce soir, il y a le match PSG-Bayern. Il veut nous parler. La dernière copain. Chance pour le a... PSG de marquer. Le... Mbappé, Neymar, Messi. C'est la, ce qu'on la, dit. La Pas au micro d'une. La MNS. C'est ce qu'on dit, le foot. Mais si, mais. Quelle chaîne c'est ce qu'on dit, les le amis, foot, c'est un jeu qui joue à 11. Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Vous parlez de quel match? PSG Bayern ce soir sur la chaîne L'équipe, la grande soirée. Et avec, ils ne montent pas les images, mais ils commentent le match. Alors, ça me fait bien rigoler. Et ça, je déteste. Deux personnes. Pour le Bayern. Non, c'est-à-dire que c'est assez particulier. On voit deux personnes qui voient le match en direct. Et nous sommes là en train de regarder des gens qui gesticulent. Et de ne pas se faire prendre un but par le Bayern. Oui, mais ça, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que tu vois des gens qui gesticulent, ils voient le match que toi, tu souhaiterais mais le voir à tout prix. Et au final. Tu le vois pas. Bon, t'écoutes pas ce que je dis. Donc, en fait, c'est pas grave. Je pense que l'imaginer, si on ne voyait pas les personnes, ça serait encore mieux. Alors, l'imaginer, ça, c'est tout simple. Ouais. Bah, c'est la radio. Non, mais oui, parce c'est la radio, c'est tout juste simplement. Que Jason, il est, c'est notre correspondant. Attends, il y a Buzz sur le volume de micro. Et Jason, c'est notre correspondant en direct de Qatar, et là il fait à PSG, et là il part dans son voyage des missions sportives. Tu nous appelles, là, tu as pris le numéro de la radio. Non, voilà, il est 17h59, on va dire au revoir, Johan, Dune. Attends, c'est quoi le numéro? Ok, on t'envoie. C'est bon? Ok, au revoir à la radio Metanoia aujourd'hui, et n'oublions jamais le. Le 8 mars, pour moi, c'est tous les jours devraient être pareils, on doit être tous égaux. Mais c'est le bon cette fête, comme on dit. Les journées de la femme, et voilà. Voilà. On est sur pinode.org, Radio Métanoïac. Et Alain, tu veux dire quelque chose pour, avant de partir, là? On se voit mercredi prochain, c'est nous. Un orgasme par jour, les femmes. Radio Métano, yak.